C'est les hauteurs. La face. 80. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis, la chronique politique de François Landry, les sorties culturelles de Sébastien Dulude et la chronique technologique CNX. C'est Assemblage requis et ça commence tout de suite! Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Elle est tellement toute nouvelle qu'il faut le dire quatre fois. Je m'appelle Mathieu Plante et je vais être en solo aujourd'hui, mais je sais qu'on va avoir du plaisir quand même si c'est juste moi, bon vieux Mathieu Plante, toujours fiable. Hein? Je sais que ça va être très bon. Pourquoi? Parce que je suis un de 20. Certains diraient même un de 30. Hein? Hein? Bon. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir François Landry qui va venir nous parler de politique comme toujours. Le sujet d'aujourd'hui, c'est des fois, mieux vaut se taire. Hein, quand même. Sébastien Dulude va être avec nous pour sa chronique « Va voir ailleurs si j'y suis ». On va parler entre autres de la nouvelle saison de Slam Poésie qui débute à l'embuscade et quelques petites suggestions pour des sorties d'Halloween. On va aussi avoir le segment « La capsule de régisseurerie, le diable dans tous ses états », deux fois plutôt qu'une. Aujourd'hui, il va y avoir la bulle « Sumis desiterantes affectibus » du pape Innocent VIII et le « Malleus Maleficorum » de Sprenger et Institoris. Hein? C'est quelque chose, ça, mais ça va être super divertissant malgré la superbe prononciation de langue, peu importe. On va aller en musique tout de suite entendre un de nos artistes préférés du palmarès francophone. Voici Yann Perrault et L'Amour Sommeur. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 17h. C'est fou 89.1 FM. J'entends les échos au salon, le chant de batailles fume, le son d'éclairs en pleurs, la lune cachée, l'amour se meurt, c'est la fin. We'll be right back. Le numéro 9 stable du côté anglophone cette semaine dans le palmarès de C'est fou, c'était May Go Round in a Mania par Spiral Beach. Avant entendu Yann Perrault et L'amour se meurt. Elle, cette pièce-là, est en 12e position stable du côté francophone. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis seul ce soir. Kiwan n'est pas là, mais il sera de retour demain. Donc ne vous en faites pas, hein, du tout. Don't worry, be happy. Hein? Plus tard dans l'émission, on va recevoir François Landry pour parler de politique. Il va y avoir Sébastien Dulude avec des sorties culturelles alternatives. Il y a Régis Solry avec sa capsule Le Diable dans tous ses états. Il y a ma chronique technologique CNX dans quelques minutes après le prochain bloc. Mais justement, on va retourner en musique tout de suite. Hein? On va l'entendre, La Patte est rose. Voici la pièce décapote. Très, très bon. Vous êtes à l'assemblage requis. Et c'est assez fou 89.fr. Darling, dark face on it.

Artist of the Year et la pièce Cake for You. Si vous aimez Artist of the Year, écoutez les Palmarès Les Fous vendredi à 17h. Tout l'environnement musical, c'est du Artist of the Year. Au complet, les Palmarès Les Fous vendredi 17h. On revient juste après la pause avec plus d'assemblages requis. C'est fou, 89 ans. Le bon musique en tout temps! Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. Ariel et la pièce Faux Filet à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. Maintenant, on va l'entendre la chronique ou la capsule Le Diable dans tous ses états avec Régis Solery. Vous savez qu'on passe deux chroniques à chaque jour jusqu'à vendredi. Enfin, il va y en avoir dans les Palmarès C'est fou vendredi soir parce que l'Halloween, c'est genre en fin de semaine, ça. Donc voici la chronique numéro 9, La Bulle soumise des itérantes affectibus du pape Innocent VIII. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présenté par M. Régis Olry. La bulle Summis Desiderantes Affectibus du pape Innocent VIII.

vrai rancard à ceux qui, comme toi, ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens. Coluche par la main. Fred Fortin et la pièce La Merveille Masquée, Toon pour Léonie dans l'assemblage requis. Avant ça, on a entendu les Fatal Picard et C'est l'histoire d'une meuf. Et au début du bloc, il y avait TV Heart Attack et AO. C'est la fin de la première heure d'assemblage requis, mais il y en a une deuxième qui s'en vient dans quelques minutes à peine avec la visite de François Landry pour parler de politique. On dit qu'après, tu sais, après deux fois, il me semble que tu la fermes, hein, genre, de mieux vaut se taire. On va se recevoir Sébastien Duluth pour parler de sorties culturelles alternatives. C'est dans la deuxième heure d'assemblage requis. Restez là. C'est fou, 89 ans. La bonne musique en tout temps. Il est méchant, le vigile de la COP. Le vigile de la COP est méchant. Bon, donc c'est la deuxième heure d'assemblage requis. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et oui, je suis seul aujourd'hui. Kiwan va être de retour demain. Mais on a du plaisir quand même, même si Kiwan n'est pas là. Tantôt, on va recevoir François Landry pour parler de politique. Des fois, vaut mieux se fermer le clapet. Firm your clapet. On s'en va entendre We Are Wolves, tout de suite, voici Paloma. Ah, ça va, ok. We Are Wolves, nous sommes loups, avec le morceau Paloma. C'est sur le palmarès anglophone de C'est fou, même si ça chante en espagnol. Mais bon, on n'a pas de palmarès espagnol encore. Peut-être un jour un top 1 avec juste We Are Wolves dedans. Bref, très sympathique, très bon groupe. C'est excellent, c'est en position numéro 15. C'était nouveau la semaine dernière, ça a monté de 5 places. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec moi, Mathieu Plante. Et maintenant, c'est l'heure d'accueillir notre ami François Landry et sa chronique politique. Levez-vous debout pour l'honorable François Landry. Pour l'honorable François Landry. À la blague! Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Cela va? Ah, ça va très bien. Ah, y en a qui se mettent le pied dans la bouche, j'entends dire. Et où ils devraient se le mettre dans la bouche pour que rien ne sorte. Ça arrêterait de parce que, oui, tu l'as dit en introduction d'émission, la chronique aujourd'hui, c'est mieux vaut se taire. Ferme-toi le clapet. C'est ça. Tu connais l'expression mieux vaut se taire et passer pour un con que d'ouvrir la bouche et de le confirmer. Et voilà. Donc, cette semaine, on en a eu la preuve à, non pas à une fois, non pas à trois fois, mais à bien deux reprises. Surtout pas trois fois. J'espère que non. J'espère que non. Mais oui, à deux reprises en politique aujourd'hui, mieux vaut se taire en politique que d'ouvrir la bouche et de confirmer que l'on passe pour un innocent. Des fois, c'est sans le vouloir qu'on le fait. C'est une déclaration, mais qui est tellement récupérée, mal récupérée par les journalistes, où lui, il sort tellement mal dans sa tête, ça sort bien. Là, c'est une phrase punch. Mais quand ça sort, c'est... Ah, regarde, non, t'es mort, là. Politiquement, t'es mort. Tu viens de faire une croix sur ta carrière, là. Ah, c'est clair, c'est clair. La première déclaration qui est arrivée ce matin dans le Nouvelliste qu'on peut la lire, c'est Claude Villemure. Tu te souviens de Claude Villemure, cher candidat à la course à la mairie de Shawinigan? C'est le numéro 3 dans les sondages, c'est ça? C'est, oui, le numéro 3 dans les sondages. Effectivement, il y a un nouveau sondage qui est sorti ce matin, mais ils ont été mis au courant hier, les candidats, pour qu'ils puissent faire des déclarations en primeur dans les journaux. Donc, Michel Anger, qui est vague sur une popularité sans précédent, obtiendrait 50,5%, donc la majorité absolue. Oui. C'est faramineux. Claude Duhaime, 27,1%, Yves Duhaime, pardon, 27,1%, ce qui est quand même assez honorable pour une ville comme Shawinigan. Et Claude Villemure, 22,4%. Lui, il a stagné depuis les derniers sondages, deux semaines, il stagne, il est là. Mais il est tellement choqué de voir que Michel Anger, son plus proche adversaire il y a deux semaines, a maintenant libre... Une longueur d'avance. Un terrain de football d'avance dans une élection. Donc, notre cher Claude Villemure a dit, et je cite et je pèse mes mots, « Si les gens veulent la continuité et que rien ne change, qu'ils poursuivent dans cette direction, il serait temps que le monde se réveille. » Et il aurait pu arrêter avant. Hein? Il aurait pu arrêter avant, parce que cette phrase-là, prise de même pour un commun des mortels, c'est rien. Mais en politique, ça vient de dire que les Shawinganais sont caves. Ouais, si vous êtes assez caves pour élire ce gars-là, vous méritez ce que vous méritez. C'est ça, vous êtes bien dans votre « hum » d'Élysée Angers, vous serez toujours aussi confortable dans votre « hum ». T'sais, un bébé dans une couche pleine vient de traiter la gang de Shawinigan de ça. Oui, c'est ça. Ça, tu peux le penser peut-être, mais de là à le dire. Là. Donc, quand tu as une mauvaise nouvelle ou quand tu es choqué, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler ou dote-toi d'un attaché de presse qui va dire va ça filtrer. De des beaux petits mots. Il va trouver un petit bouquet, une petite attache. C'est ça, une langue de bois comme on aime au Québec, là, où ça veut absolument rien dire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je te fasse une chronique langue de bois. OK. Pour le mois de novembre, je vais préparer ça. S'il te plaît. Tu vas rire, on comprendra rien. Pendant 10 minutes, on comprendra rien, mais ça va être tellement clair. Oui, et la première phrase qui a été dite que la personne aurait dû se taire et passer pour une conne, parce que c'est une femme cette fois-ci, c'est notre chère députée de Lotbinière, Sylvie Roy, donc qui était jusqu'à cet après-midi chef parlementaire de l'ADQ. Elle a été rétrogradée à un poste qui s'appelle critique de l'éducation. Ah, donc, elle passe le balai. Et voilà. Donc, Gilles Taillon l'a rétrogradée. Et ça n'a pas rapport du tout avec sa déclaration qui dit. On s'entend qu'entre les lignes, il y a une petite influence. Donc, notre chère Sylvie Roy qui a dit jeudi dernier à propos de Tony Accurso. On voit ça dans les journaux, à télé, partout, là, Tony Accurso. Si vous avez été mangé avec lui, vous êtes dans la chenoute. Dites-le pas à personne. Si vous avez été dans sa chaloupe, dites-le pas à personne, vous êtes dans la chenoute. Mais elle a osé dire à l'Assemblée nationale. Il faut dire que les députés à l'Assemblée nationale ont l'immunité parlementaire. Ils peuvent dire presque ce qu'ils veulent sans qu'il y ait poursuite judiciaire, poursuite pour diffamation, rien. C'est une immunité. Non, c'est très bien qu'il y ait ça pour la liberté d'expression au Québec, de un, et aussi de deux, pour qu'on puisse sortir les dossiers de l'ombre ou si les députés avaient peur de parler, quelle démocratie on aurait au Québec. Donc, ils ont... dedans la salle, ils ont limité, mais dès qu'ils sortent dans le corridor, ils sont des civils comme toi et moi. Mais donc, ceux qu'ils ont dit, ils peuvent quand même se retourner contre eux. Oui, ça, mais c'est... ils peuvent pas être poursuivis pour. C'est ça, exactement. Exactement, okay. Sauf peut-être demain. Ah, aha. Comment ça? Parce que je vais dire la phrase qu'elle a dite et ensuite on va analyser les découlants. D'accord. Donc, est-ce que le ministre de la Sécurité publique, dans sa vérification, a appris que le premier ministre sait qu'il y a trois ministres qui ont été sur le bateau d'Air Curzo? Donc, c'est pas une phrase au conditionnel. C'est pas « il aurait fait ça », c'est « ils ont fait ». Il n'y a aucune insinuation, c'est un verbe, c'est une phrase très active. Ouais. Donc, elle accuse le Parti libéral d'avoir eu des relations avec Tony Air Curzo, donc celui qui est dans la controverse pour la construction au Québec. Donc, le premier ministre ne s'est pas levé à la Chambre, c'est son ministre de la Sécurité publique. Non, pardon, c'est Jean Charest qui s'est levé, oui. Il a dit « donnez-nous les noms ». Oui, parce que là, si tu accuses quelqu'un, à un moment donné... C'est peut-être des preuves à quelque part. C'est Colonel Moutarde avec dans, le chandelier. Dans la cuisine avec le chandelier, exactement. Sylvie Roy s'est levé, enfin, mon honorable, elle s'est dit... Elle a dit tout simplement, si le ministre veut savoir les noms, il n'a qu'à convoquer une commission d'enquête. Là, ça a été les huées, puis les choux, puis ça a brassé. Jusque-là, elle avait raison. De tout ça, là, elle avait raison. Sauf que, dans une entrevue à Paul Arcand, une station rivale de Trois-Rivières, de ces fous, là, à Montréal. Ouais, c'est nos grands rivaux, là. Ouais, hein? C'est ça. Pour les codes d'écoute, c'est à peu près kiff-kiff. Ouais. Donc, Paul Arcand a questionné Sylvie Roy en dehors de l'Assemblée nationale. Donc là, elle est poursuivable si elle affirme encore la même phrase. Ah, elle aurait pu se la fermer là, puis ça aurait été correct. Mais elle se l'est tellement affirmée que je vais te résumer l'entrevue qui a duré 15 minutes, mais je te résume en 5 phrases. OK. OK, 15 minutes en 5 phrases. Arcand dit, quand est-ce qu'ils ont été ensemble? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Roy, non. Arcand revient, sont-ils allés ensemble? Roy, ça va pas jusque-là, là. Elle répond encore après, non, pour la suite des choses, je vais continuer mon enquête. Donc, elle n'ose plus parler. Non. Pourquoi? Parce que là, elle est poursuivable au civil, comme on disait. Et elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Mais là, Jean Charest, hier à l'Assemblée nationale, a ouvert peut-être une boîte de Pandore. Ça, c'est un dossier que quand tu le rouvres, c'est impossible de le refermer. Il a déposé une plainte à l'Assemblée nationale, une censure qui s'appelle une violation de privilège. Donc, ça fait 20 ans que ça peut être utilisé au Québec, cette motion-là. La dernière fois, c'était le Parti québécois et c'était lui qui avait fait cette motion-là contre les libéraux et ça s'était reviré contre le Parti québécois. Donc c'est un risque de C'est un très gros risque. Et en termes plus convivial, violation de privilège et censure. Donc, on met un arrow sur la liberté d'expression. Donc, c'est pas dictatorial parce que c'est démocratique, c'est légal, faut que ça passe par un vote, mais les libéraux sont majoritaires. Donc, en déposant cette violation de privilège-là, il va y avoir une commission d'enquête de créer sur les propos de Sylvie Roy. Et sur cette commission, le Parti libéral est majoritaire. Donc, eux autres vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont amener ça à l'Assemblée nationale et ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, ils vont l'adopter. Mm-hmm. Et ça va... Il y a deux risques pour Sylvie Roy. Soit qu'elle soit obligée de s'excuser, dire « j'aurais pas dû accuser et donner une fausse affirmation comme ça » ou tout simplement expulsée de la vie politique. Elle-même s'expulser? L'Assemblée nationale va l'obliger à s'expulser. Ah, d'accord. Donc, elle devra démissionner de son rôle de leader parlementaire à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'elle ne l'est plus, ça va être plus facile de quitter ce poste-là. Elle va aussi être obligée de quitter son banc de député de Lotbinière. Donc ça, c'est les enjeux. C'est très grave. On sait qu'ils ont 5 députés, là, DQ, ils tomberaient à 4. C'est pas fort à ce côté-là. Donc, c'est de voir est-ce qu'elle veut... s'excuser, là, c'est son honneur, sa réputation qui est en jeu. Parce qu'habituellement, en politique, quand tu t'excuses, il y a une démission qui s'ensuit. Ouais. Tu n'as pas le droit à l'erreur en politique. C'est ça. Donc là, si ça s'excuse, elle démissionne. Si elle ne s'excuse pas, elle est obligée de démissionner. Donc, elle doit démissionner d'un bord ou de l'autre, finalement. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, là. Huh. Tout simplement parce qu'elle aura prononcé une phrase à l'active. Donc, elle a accusé le gouvernement Ouch. Sans preuve. Elle aurait dû apporter des preuves. Elle ouais. aurait dû. Mais sa source, c'était Benoît Labonté. Le maire, pas le maire, mais le candidat qui s'est fait démissionner, lui aussi, à Montréal la semaine dernière. Donc, c'était sa source. Il s'était parlé par téléphone par personne interposée. Au lieu de dire « j'ai deux, trois sources », j'en ai une. Et cette source-là est allée parler à la télé avant même qu'elle fasse sa proposition. Donc, tout le monde le savait, sauf elle. Je sais pas, mais il y a un problème de professionnalisme de son côté. C'est une avocate, donc elle est capable de plaidoyer. Elle a été formée pour ça. Mais un petit peu de jugement ici aurait été utile dans sa déclaration. Donc, c'est à suivre. Demain, c'est là que le président de l'Assemblée nationale, Yvon Vallière, va trancher. Si oui ou non, il reçoit la plainte formelle du Parti libéral. Si oui, comme son enquête, et peut-être dans les prochains jours, on verra Sylvie Roy remettre sa démission, libérant un siège ainsi pour Gilles Taillon, le nouveau chef de la DQ, qui ne siège pas à l'Assemblée nationale. Peut-être que l'autre binière serait un bon comté pour lui, mais on compte pas là-dessus. Non. Donc, la DQ, je vous l'affirme, aujourd'hui, il est quelle heure, là? À 16h10? 15. 16h15, la DQ est morte. Je signe son arrêt de mort. La DQ est morte, tout simplement. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Sylvie Roy qui fait la gaffe monumentale, la plainte contre la liberté d'expression à l'Assemblée nationale, c'est vital. Pour quelques mots comme ça. Et pour quelques mots, ben, ça aura juste précipité. Oui, ça a accéléré le processus. Ça a accéléré. La DQ n'était pas mourue dans les prochaines semaines, mois, années, peut-être. Mais c'est comme quelqu'un est sur son lit de mort et tu lui tires une balle dans la tête. Ouais, je préfère les touffes avec violent, un oreiller, hein? C'est ça, avec un oreiller, ou tu touffes avec le jello qui donne. Ah ouais? Ouais, ça reste pas dans le palais des fois. Puis... Ouais, des fois t'as des morceaux de croûte, là. Ouais, c'est ça. De la croûte dans du jello, c'est pas mal. On fait des continents peut-être, mais pas ici. François Landry, merci. Oui, ça me fait plaisir, Mathieu. Toujours super intéressant. Écoute. On se retrouve lundi. Ouais, lundi pour les élections municipales, les résultats à chaud, comme ça, là. Oh, c'est vrai, c'est dimanche. Oh. C'est dimanche, allez voter, hein. Ben oui. Pas votre petit carton jaune dans la boîte postale. Si vous l'avez poursu, vous. Too bad. Bon, on vote pas. Non. On verra bien. Et voilà. Merci, François. De rien. C'est un assemblage requis jusqu'à 17h. Tout à l'heure, il va y avoir une autre chronique, une capsule de Régis Solerie sur le diable dans tous ses états. Et on va recevoir Sébastien Dulude pour faire les sorties culturelles alternatives. Pour l'instant, voici une formation qui est sur le palmarès francophone. C'est les Amis au Pakistan et la pièce Imbra Stingra. C'est un assemblage requis jusqu'à 17h. Quel est le mémo de ton mimosa? Quelle est la mémuse de la fascicule? Répondez un peu, question, sinon mayonnaise et whip. Mr. Us te pose, nous black cherry fish. Mr. Us te pose, nous black cherry fish. assez mélangé me disent que oui, tu me plais. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Formation Midnight Juggernauts, un groupe de musique électronique avec trois jeunes Australiens de Melbourne. C'est dit sur Wikipédia qu'ils comptent parmi leurs fans les groupes Daft Punk et Justice. C'est vraiment très bon. Midnight Juggernauts, la pièce s'appelle This New Technology. Maintenant, on va continuer notre série sur le diable dans tous ses états présentée par M. Régis Solery. On est rendu à la 10e chronique. On en présente 2 par jour jusqu'à vendredi, jusqu'à la dernière émission de la semaine, avant l'Halloween. Voici le Malleus Maleficorum de Sprenger et Institoris à Assemblage Requis. Et voici maintenant la série

De t'assemblage requis jusqu'à 17h, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante et puis Kiwan n'est pas là ce soir, mais vous allez le retrouver demain. Donc, pleurez pas trop longtemps. Sèche tes pleurs. On va passer tout de suite à la chronique de Sébastien Dulude sur les sorties culturelles alternatives. Ça s'appelle « Va voir ailleurs, si j'y suis ». Salut Sébastien. Miel, bonjour, comment ça va? Super, et toi? Oui, tout en intimité aujourd'hui. Ben oui, j'ai comme un genre de ton de voix un petit peu plus langoureux quand je suis seul, non? Ah ben, je comprends ça, je suis un animateur solitaire assez fou depuis longtemps. On est tous très sexy avec nos voix sympathiques. On se fait plaisir dans les écouteurs. Ouais. Alors, j'ai pensé vous parler de deux sujets cette semaine. Première chose, c'est le retour de la slam poésie. On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps parce que, si vous vous souvenez bien, je suis fidèle auditeur, c'est que la slam poésie culmine toujours en septembre par le grand slam au niveau de tout le Québec. Toutes les ligues québécoises de toutes les villes du Québec participantes font ça au Lion d'Or à Montréal. Et puis là, il y a les gagnants et tout et tout et tout. Trois-Rivières sur six villes cette année a fait quand même bonne figure pour une première présence au Grand Slam avec une quatrième place. Et l'organisation de Slam Mauricie reprend ses activités dès le mois d'octobre. C'est le cas d'à peu près toutes les ligues dont je suis au courant de leurs activités. Peut-être pas Lanaudière, mais enfin, presque toutes les villes reprennent en octobre. Et c'est le cas de le Slam Mauricie coordonné par Mike McNeil. Le lieu de la slam poésie, c'est à l'Embuscade, au centre-ville de Trois-Rivières, et c'est pour la première occasion. Là, c'est un peu mêlant. Là, on doit dire un petit bémol à ce niveau-là. N'est-ce pas? On est rigoureux, Mathieu, toi et moi? Bien sûr. Alors là, bon, je peux comprendre, des fois, c'est pas facile de placer certains événements. Le premier événement, c'est ce jeudi, demain, 29 octobre, à 20h. C'est un jeudi soir à 20h. Mais retenez bien que les slams seront en réalité toujours les derniers mercredis du mois. D'accord. Toujours le dernier mercredi du mois en cours. Ce qui n'est pas facile, un dernier mercredi, parce qu'il y a des mois à cinq semaines, des fois. C'est jamais. Il y a des trucs plus simples, comme troisième jeudi du mois, quatrième. Par exemple, pour l'impro musicale. Ça rentre dans le premier, deuxième mardi pour Kino, ça va bien. Mais les derniers du mois, il y a quelque chose de pas évident là-dedans au niveau de l'habitude à créer. La compréhension. Et là, d'autant que la saison recommence un jeudi, là, ça semble. Pourquoi? Exceptionnel. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir à l'embuscade qui était pas possible d'accueillir la slam. Donc, c'est à 20h et donc on présente le premier slam de la poésie de la deuxième saison. Deuxième truc au niveau des communications, un petit peu moins de fautes d'orthographe, ça ferait plaisir à un événement de poésie. Vraiment, de la poésie, ouais. C'est comme le summum de la place où il faut que tu surveilles ton français. Ah, je veux bien croire que c'est de la poésie orale, puis évidemment, il y a toutes sortes de choses à faire avec la langue, mais là-dessus, disons que pour une deuxième saison, ça repart un peu avec les mêmes maladresses que l'année passée. Mm-hmm. Ça a donné des bons résultats, mais si on veut s'attendre à vraiment embarquer en deuxième vitesse, embarquer dans un autre rythme, lever les standards, pour l'instant, on verra bien ce que ça donnera. Je vais aller faire un tour. Donc, le stammestre est Mike McNeil, l'organisateur, l'animation, toujours David Goudreau. Ça, c'est intéressant parce que lui provient de la Ligue de Sherbrooke, mais vu qu'il y a des attachements, je pense qu'il vient de Trois-Rivières, quelque chose comme ça, de la famille ici, revient animer les slams à l'embuscade. Fait un très bon job, il est très dynamique. Et bon, il y a son équipe de chrono, l'accueil, des photographes et des DJ. Et les slameurs confirmés en date de il n'y a pas très longtemps, je prends ça sur Facebook. Il y a Pio, il y a Mike McNeil, il y a le Gloam, il y a Alain Zonier. Je ne sais même pas si c'est une faute pour Désonier. Zonier. Ou c'est peut-être un nom cool qu'Alain s'est donné. C'est cute. Monsieur de l'appart. James Strikeout Bédard, Christian Lemire, Paradox, Steven et Modesty, a.k.a. L'âme triste. Donc, on sent l'input de plus en plus des rappeurs de la scène hip-hop a cappella, ce qui est une bonne nouvelle. On attend toujours que les poètes performeurs de la région s'intègrent un peu mieux à la slam poésie, mais je peux bien parler. J'ai pas nécessairement envie. Là, c'est l'éditorial que je fais. Là, j'ai pas nécessairement envie de me remettre à la slam poésie tant que ça, parce que le concours est vraiment la soirée slam. Vous savez, le public décide ce qu'ils ont aimé et vote, et donc tout ça, c'était une belle. L'impro musicale, c'est un peu cette idée-là. La luître, la lime en impro. Théâtral, c'est interactif avec le public et ça, c'est génial. Mais il y a certains poètes qui peuvent juste pas rivaliser avec les maîtres manieurs des mots, avec les sons et les rythmes qui vont comme ça et qui disent tout ce qui se passe par la tête. Mm-hmm. Ça dépend des démarches en poésie, en réalité. Ouais. Mais je suis certain qu'on pourrait aller chercher des jeunes écrivains qui proviennent vraiment du côté littéraire de la chose et qui auraient bien du plaisir sur ces scènes-là. En attendant, ça donne une très belle scène à tout ce qui est la relève potentielle, par exemple, pour le Festival Urbain. Ouais. Qui est orienté vers ces arts-là, des arts de la rue. Donc voilà, c'est un peu ça pour la slam poésie. Ça reprend donc jeudi demain à 20h à l'embuscade sur la rue Badeau, centre-ville Trois-Rivières. D'accord. Ensuite, on parle un petit peu d'Halloween. Oui, j'ai pas 50 000 suggestions d'Halloween. Je pensais en avoir plus que ça, mais je dois vous dire que les bars de la région, entre autres, font piètre figure cette année dans l'imaginativité de soirées d'Halloween. Je regarde les concepts, là, c'est assez nono merci, là, de la bière orange puis des trucs comme ça. Alors, j'ai pas envie de relever grand-chose, mais deux événements me semblent intéressants. Enfin, je m'en donne. J'ai décidé, j'en parlais de trois. Je donne la chance au coureur. À Trois-Rivières, le jeudi demain, donc en concurrence avec le début de la Slam Poésie. C'est malheureux que le Nord-Ouest n'ait pas pu faire cette soirée-là. Vraiment, le samedi 31 octobre, surtout que ça donne un samedi. Tout était là pour faire une grande soirée. Je ne sais trop pourquoi, mais ça ne fonctionnera pas. Mais ça se passe jeudi. Il va y avoir beaucoup de monde quand même. Ça va être une belle soirée. C'est les Rum Horns qui présentent leur soirée spéciale Halloween. Et c'est tout un concept. Les Rum Horns font quand même du rock qui est pas théâtralisé. Normalement, c'est les quatre, ils sont rendus cinq musiciens. Ça se passe bien. Le chanteur a une voix rauque, très chaleureuse. Les pièces embarquent, c'est varié. Ça se passe super bien. Leur musique est vraiment un bon rock bien senti avec des accents blues. Puis des fois, ça décolle un peu plus. C'est vraiment de la très, très bonne musique. Des textes intelligents en anglais signé Yannick Essiandre, le chanteur. Mais là, ils ont décidé d'y aller dans un côté plus performatif avec toute une mise en scène. Il y a une vidéo, il y a un paquet d'extraits vidéo qui vont être projetés en même temps. Et il y a des shooter girls avec des seringues et des costumes impliqués là-dedans, d'après ce que j'en sais. Donc, quelque chose d'assez dans ta face. Et ça dure comme 1h15 et c'est tout. Ça commence à 20h, pas mal tapant. On projette un petit film et ça se passe au deuxième étage au Nord-Ouest. Et donc, vers quoi, 20h30, là, ça commence. C'est tout ce cabaret-là un peu étrange, orchestré par les Rum Horns qui est à l'œuvre. Ça a l'air bien, ça. Oui, ça a l'air bien. Moi, oui. Ça me plaît beaucoup comme idée. D'autant que c'est ça quand on sent qu'un band arrive dans des concepts une fois de temps en temps. Ils sont à la maison au Nord-Ouest, il faut le dire. Hein? Ah oui, c'est leur bar. C'est leur place. Et puis donc, ça se passe jeudi prochain. Les Rum Horns, on peut les entendre sur MySpace avec The Rum Horns, ZE, bien sûr, THE. Rum, R-U-M, Horns, H-O-R-N-S. Pas facile, non, ce nom-là. Non, hein? Pas évident. Un clin d'œil aux Ramones. Mm-hmm. Là, c'est pas vraiment du rhum, il n'y a pas de H. Non, mais c'est pour ça que tu t'attendrais à ce qu'il y ait un H. Moi, les Rum Horns, donc ce serait plutôt les trompettes enrhumées. Non. Enrhumées, quoi? L'autre suggestion à Trois-Rivières d'Halloween, mais c'est pas vraiment une suggestion. Je dois décerner une mention mouf au complexe qui tente de se positionner dans la région comme un endroit de spectacle important, comble un peu la place du Maquisard. Ils ont un bel endroit au niveau technologique, ça défonce, c'est grand, il y a de la place pour avoir toutes sortes de spectacles. Mais un hommage à Slipknot, un vendredi de l'Halloween, un samedi de l'Halloween, je salue l'initiative du fait que c'est gratuit au complexe à Trois-Rivières et je note la grande présence de fautes d'orthographe sur les affiches du côté du complexe aussi. Ouais, c'est pas très chic. Hein? Là, c'est le complexe. Complexe? Pas le complexe. Pas de... Non, c'est le complexe TR. Et ça, c'est une initiative de ces gens-là. En fait, je pense qu'ils en avaient entre autres parti le premier After Hours, qu'on dit en latin, dans le coin. Moi, je pense que c'était pas loin du même coin, ou Père Daniel, enfin. Et maintenant, c'est le complexe. Je parle un peu à travers mon chapeau au niveau du complexe, mais pour l'instant, je suis pas super convaincu des initiatives. C'est un endroit où les bandes commerciaux importants peuvent arrêter. Ça a donné lieu à quelques bons spectacles. Je sais, Steve Hill et Mimi Van Der Glow, ça avait été exceptionnel, apparemment. Des choses comme ça. Mais pour l'Halloween, on y va avec un hommage à Slipknot avec Headaches et Invité. Ouverture des portes à 19h. Le show débute à 20h et c'est All Ages. Ouh! N'est-ce pas? Amenez vos bébés. Maintenant, proposition nettement plus intéressante à Montréal. On écoute ce petit extrait et j'en reparle. Ça se passe samedi soir à la place d'à côté de Montréal. La formation 1. Procède vers le ravin. T'as les yeux sans regard, un manoir sans mémoire, un couloir baigné dans le noir. Bonne épée. pitié de la baïonnette qui nous perfore le sternum. Prenez pitié de la marionnette qui fait ce de quoi on l'assomme. Prenez pitié des trafiquants de stylants, des riches sommeliers du sang. Pitié de la corde qui parle l'innocent, du rouge qui cache le drapeau blanc. Apprenez-nous à nous mépriser nous-mêmes. L'origine de la doctrine qui fait courber mon échine. J'ai le cœur en sueur qui me sort de la poitrine. La bouche qui hurle en silence, mon bon sens. C'est intéressant ça. Oui. Là, on est dans un univers un peu progressif, avec des ambiances macabres et du rock théâtralisé à l'extrême, je dirais. La formation 1UN existe depuis un bon bout de temps. Ils ont un album. Ils faisaient à l'époque la musique plutôt folk rock, de la musique populaire rock, beaucoup dans la veine d'harmonium, des choses comme ça. Ça m'avait jamais beaucoup accroché, mais il y avait une chose de ce band-là, c'est la qualité des musiciens. Le chanteur et guitariste s'appelle Sylvain de Carufel, le bassiste Francis Robert. Ils sont les deux seuls membres originaux de 1, et maintenant ils se sont adjoints les services de Frédéric Durand au piano et Philippe Coulombe aux percussions. Le concept de 1 s'appelle le théâtre Tintamarre. Donc c'est vraiment... Eux autres appellent ça steampunk. Alors on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, le steampunk, la mode en ce moment. Oui, c'est une mode. Et au départ, ça, c'est un concept littéraire, de littérature, là, dans les révolutions industrielles, là, fin 19e siècle, début 20e, toujours dans des ambiances glauques, grises de la ville, avec tous les... Le trip romantique qui était vraiment devenu décadent. Et là, tout l'esthétisme dandy, romantique du 19e, là, qui est comme confronté à la question de l'industriel. Et un représentant très, très fort de cette esthétique-là, c'est Tim Burton. Dans ses contes un peu gothiques, les espèces de châteaux rouillés, les vieilles clôtures. Donc, beaucoup cet imaginaire-là. Et au niveau visuel, ce que le théâtre Tintamarre, présente, c'est un peu ça, les chapeaux de forme, les redingotes, les vestes, mais en même temps, le maquillage qui coule et ce genre de trucs-là, le côté très glauque. Alors, il faut absolument souligner l'apport de Frédéric Durand dans ce groupe-là, qui vient vraiment infuser une dose d'un de littérature et toute de cette culture-là, parce que c'est un écrivain, notamment de romans de genre, science-fiction, mais aussi historique, roman noir. Donc, c'est tout un input littéraire, un imaginaire qui peut amener là-dedans. J'imagine qu'il a travaillé un peu avec Sylvain de Carufel au niveau des paroles. Et de Carufel est à son meilleur en ce qui me concerne. C'est un des musiciens les plus importants à la Ligue d'impro musicale. Il est capitaine et joueur par excellence de l'équipe qui a gagné l'année prochaine. Reviennent cette année avec leur formation. Il est d'une versatilité à couper le souffle, complètement polyvalent. Il peut inventer des paroles en même temps qu'il joue, et il joue d'une façon magistrale la guitare. Et donc tout ça pour lui, ça semble aisé. J'ai vu un court moment de spectacle, une vingtaine de minutes, cet été à Whitewood, au Festival de la Solidarité. Comment ça s'appelle, non? Le Festival Whitewood, en fait, à Saint-Boniface, où il y a une multitude de groupes qui se produisent à la suite, sur scène. Et j'avais été renversé par la prouesse technique et aussi le plaisir à écouter ces pièces-là qui vont vite, qui changent d'ambiance complètement. On passe des marches militaires aux grandes valses et ensuite au moment déchirant et ensuite ça rock un peu plus. On a vraiment beaucoup de tendances et l'esthétique est extrêmement bien maniée là-dedans. Également, l'ajout de Philippe Coulombe aux percussions, ça c'est l'as des as dans la région ici. Je pense n'avoir jamais joué de la musique avec un musicien aussi extraordinaire, tout instrument confondu. Philippe Coulombe est, à mon avis, un des plus grands musiciens de la région. Il a une spontanéité, vraiment des passes hallucinantes et tout est réglé au quart de tour. Et je sais que c'est pas une formation qui, pour autant, va maniaque des détails. À quatre, ces gars-là arrivent à faire cette musique-là comme ça. Tac! Et non, le spectacle doit être fantastique. Donc, on peut penser à une bonne heure et quart dans ce théâtre Tintamarre où on a une petite description ici qui est assez rigolote. Quelque part entre le début et la fin du 19e siècle, la ligne du temps se faisant vieille et fragile s'est fissurée. Et dans cette faille intemporelle, ensevelie sous la poussière de la révolution industrielle et détrempée par la pluie mélancolique de l'époque romantique, le théâtre Tintamarre dresse ses angles sur la rue des Octobres comme autant de joyaux vénéneux. Mm-hmm. On voit tout le côté maniéré et tout est pensé, tous les détails. Les mots sont bien choisis. Absolument bien choisis. Ça sonne bien, les paroles passent bien, on est capable de les entendre. Et on est juste un petit peu malheureux qu'on ait que des extraits sur le MySpace, sur le site Internet. comme un long extrait. Mais... Moi, quand même, c'est significatif, mais on a bien hâte d'avoir un album. On leur souhaite longue vie à ce projet. Le Théâtre Tintamarre de 1unmusique.com, 1unmusique.com, et le spectacle, donc, c'est ce samedi 31 octobre à 21h30. Ça, c'est une heure de spectacle d'Halloween, oui. Là, hein, pas de 7h, porte ouverte. Faut qu'il fasse 21h30, exactement. 15$ à la porte, 10$ en pré-vente, et on c'est à la place à côté. C'est pas super connu, cet endroit-là. C'est au 4571 Papineau. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site 1unmusique.com. Donc, Papineau 4571, ça doit être Papineau Beaubien, à peu près, dans ce coin-là. Là, c'est pas si loin que ça. La place d'à côté pour aller voir le Théâtre Tintamarre. Également, il y a un groupe Facebook pour un, et je sais que plusieurs personnes à Trois-Rivières vont voir ce spectacle-là, donc peut-être laisser un mot sur le forum et se trouver du covoiturage, ça pourrait être chic. Bonne idée. Même si un doit être assez difficile à trouver sur Facebook avec un nom comme deux lettres, deux caractères, non? Peut-être plus le Théâtre Tintamarre. Ah, plus ça. Ouais. Ah oui, ouais. Ça va être plus facile comme ça. Tout à fait. Et il y a même un quiz. Quel personnage du Théâtre Tintamarre êtes-vous? Oh. Parce que les quatre musiciens ont un nom. Il y a Edwidge, il y a le Baron des Ombres, il y a Monsieur Camélius. Et mon préféré, M. Augustache. Oh, Augustache. J'aime ça. Ah, tout est passé. Vraiment, ouais. C'est tout un univers. Ça, c'est un vrai show d'Halloween. Chapeau. Très sympathique. Oui, bonne idée, bonne initiative. On a hâte de voir ça à Trois-Rivières. Voilà. Sûr. Toujours. Saint-Boniface, Montréal et bientôt Trois-Rivières. Et demain, le monde. Sébastien Dulude. C'est tout pour cette semaine, Mathieu. Merci beaucoup. À toi. Très bonne chronique, comme toujours. Remplis le compliment ici. Bonne fête de soirée, tout le monde. Toi aussi. On te retrouve évidemment à ton émission Intel Mix, c'est les mardis soirs à partir de 18h. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On continue avec un autre groupe qui est sur le palmarès francophone, c'est les Trois Accords. Voici le bureau du médecin. Tout de suite. Les trois accords et le bureau du médecin à Assemblage Requis, c'est déjà la fin de l'émission. Pour nous, on se retrouve demain à partir de 15h pour une autre édition d'Assemblage Requis. Kiwan va être là. Je vais être là aussi. Vous aussi, j'en suis sûr. Donc, à 15h, on aura, entre autres, Maxime Lemularamé dans l'émission pour faire ses suggestions musicales à télécharger dans son blog Télécharge quoi. Et puis, comme on est jeudi, on aura aussi la chronique d'humour extrême de Vidon la don la question. Et on continuera notre série sur Régis Ollery. En fait, pas Régis Ollery sur le diable dans tous ses états. C'est pas lui le sujet du chose, là. C'est pas ça du tout. Donc, demain à 15h, soyez à l'écoute de tout le reste de la soirée ici sur C'est Fou, parce qu'à partir de 19h, il y a du rap avec Rap 101 et puis Volte Face. C'est votre soirée à C'est Fou. Bye bye.